Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Jocelyn qui nous écoute à Singapour grâce au podcast et Alexandra ont proposé à Franck Ferrand le sujet d'aujourd'hui. Et c'est un sujet en rapport avec la Chine. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est agréable de savoir que nos auditeurs peuvent comme ça capter l'émission à peu près sur n'importe quel point de la planète. Vive le podcast. Nous allons parler en effet aujourd'hui d'un des chapitres les plus intéressants de cette histoire récente de l'Empire du Milieu. C'était à la toute fin du 19e siècle, la révolte des Boxers, dont l'épisode central a été porté à l'écran par Nicolas serait sous le titre « Les 55 jours de Pékin ». Vous vous rappelez ce film avec Ava Gardner notamment, ça enchantait mon adolescence. Pour nous guider dans cet univers si différent, j'ai convié l'auteur du dictionnaire amoureux de la Chine. Vaste sujet et très gros dictionnaire et très passionnant, c'est l'un des anciens conservateurs au musée Guimet, José Frech est avec nous. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Vivien. Il voudrait savoir depuis quand en France on fait des mariages d'amour. Ah ben voilà une question romantique et intéressante. Vrai. Pour le moment, je vous propose donc de nous plonger au cœur de l'histoire de la Chine, au temps de l'impératrice Cui. Moi je continue à dire comme ça, je ne sais pas dire autrement. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bienvenue dans la Chine immobile, vénéneuse et mirifique de la toute fin, de cette toute fin de dynastie Qing, somptueuse et crasseuse à la fois, encore archaïque, déjà fourmillante. Cette Chine en chromo, des longues nattes et des fumeries d'opium, c'est comme ça qu'on la voyait en Occident à l'époque. Bienvenue dans ce pays qui pour les Occidentaux, je devrais dire les Occidentaux de la belle époque, est un paradis pour, je cite, les journalistes, les banquiers, les ingénieurs, les aventuriers de tout poil, un empire gigantesque où les grandes familles d'Europe envoient leurs fils rebelles en espérant, sait-on jamais, qu'ils y feront fortune. Mais attention, cette Chine est un pays en plein conflit. Les Boxers, ça vous rappelle quelque chose? Au moins quelques souvenirs scolaires, j'imagine. Certes, en ces toutes dernières années du 19e siècle, le conflit qui captive l'Europe ne se situe pas en Chine, mais en Afrique du Sud. C'est la fameuse guerre des bourgs entre les Britanniques et les descendants des premiers colons néerlandais et sud-africains. Et pour être franc, personne ne parle à l'époque de cette révolte des Boxers, conflit terrible et qui déchire la Chine. Sauf que le jour où les Boxers vont sortir de leur province, gagner les grandes villes et commencer à s'attaquer aux Occidentaux, alors là, évidemment, la guerre des bourgs sera reléguée au second plan sur la première page du Times et du Temps. Que nous dit José Frech ? Premier signe d'une rébellion de la Chine face à l'intrusion étrangère, la révolte des Boxers qui éclate en juin 1900 va servir de détonateur au déclenchement d'une vague anti-chinoise que préfigurait le péril jaune et la phrase « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera » attribuée à Napoléon, qu'il l'aurait prononcée en 1816 après avoir lu « Le voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie » de Lord Macartney, premier envoyé officiel de la couronne britannique dans l'Empire du Milieu. En Europe, de nos jours, cette révolte des Boxers est plus ou moins oubliée, mais je vous prie de croire qu'en Chine, tous les écoliers savent encore très bien ce qui s'est passé à Pékin au cours de l'été 1900. On est donc officiellement sous le règne de l'empereur Guangzhou. Celui-ci est un petit peu plus ouvert que sa tante, la terrible Cui. C'est elle la véritable détentrice du pouvoir. Il était plus ouvert aux influences occidentales. Il s'était lancé déjà dans tout un programme de réformes. Ça n'a pas dû plaire à la Tati, qui n'avait nulle intention de se laisser mener par ce neveu qu'elle avait elle-même placé sur le trône. Et en 1898, elle le fait carrément déclarer faible d'esprit, interné dans un pavillon de la cité interdite. L'heure, vous l'avez compris, est à la reprise en main par les tenants de la tradition. Alors avant d'aller plus loin, il faut peut-être quand même se demander à quoi ressemble en vérité cette Chine 1900. C'est une nation qui est indépendante, ai-je besoin de le rappeler, depuis plus de 2000 ans où se sont succédés les empereurs de toutes ces nombreuses dynasties. José Frech nous prévient, je le cite, « Bien que centre du monde, la Chine est restée longtemps à l'écart du monde. » Et David Pong écrivait il y a une cinquantaine d'années, Les Chinois n'avaient jamais senti le besoin de commercer avec l'extérieur. Ils n'avaient jamais non plus éprouvé la nécessité de s'instruire au contact des étrangers. Les commerçants occidentaux qui abordèrent les côtes chinoises furent par conséquent tenus à distance pour qu'ils ne puissent pas corrompre le peuple chinois. Corrompre le peuple chinois, c'est bel et bien ce contre quoi vont se lever les fameux boxers dont nous allons parler. Alors, il y a des comptoirs européens qui sont installés, vous savez, en Chine depuis le XVIe siècle, au XVIIe, ça prend de l'extension. À partir du XVIIIe siècle, les Européens seront limités au territoire de Canton, essentiellement en tout cas. La situation dégénère au XIXe siècle. On a parlé ici, bien entendu, rappelez-vous, cette histoire épouvantable, extraordinaire, du sac du Palais d'été, hein, bien entendu. Les navires de guerre européens menacent l'Empire du Milieu depuis le milieu du XIXe siècle. Or, la Chine n'est plus vraiment de force à leur résister, sa flotte est archaïque. Pendant presque tout le XIXe siècle, nous dit Pong, une série de guerres limitées aboutirent pratiquement toutes au même résultat. La Chine fut vaincue, obligée de signer les traités désastreux. Le premier en date, celui de Nankin en 1842, mettait fin à la célèbre guerre de l'opium. Ces traités garantissaient aux Européens l'extension de leurs privilèges commerciaux avec la limitation des droits de douane à 5% et la gestion du service douanier par des étrangers. Ils leur accordaient encore des avantages politiques, possibilité de s'établir dans certaines régions, ouverture de nouveaux ports avec le droit d'en administrer certains. Les Chinois, conclut l'auteur, se sentirent profondément humiliés par ces privilèges, pas seulement commerciaux. Les Français et les Anglais dominaient complètement le sud de la Chine à l'époque. Quant au nord, c'était plutôt les Japonais et les Russes qui s'y étaient installés. Il faut vous dire qu'au lendemain des guerres de l'opium, Shanghai est devenu le centre du commerce extérieur chinois. Les Européens s'expatrient maintenant dans cette ville et puis de plus en plus dans cette grande cité qui est la capitale historique de la Chine, à Pékin. Du coup, le christianisme se propage à grands pas. On va compter près d'un million de conversions dans la deuxième moitié du siècle, c'est très important. On voit partout le chemin de fer gagner les différentes provinces, on met en place des services télégraphiques. Oh, tout ça, ça bouscule la Chine tranquille et millénaire. Vous savez, ça bouscule le feng shui, comme on dit là-bas, cet état d'esprit qui tente à harmoniser la libre circulation du feng shui, du vent et de l'eau, afin d'assurer une sorte de grand équilibre. Ce qui passe notamment par une conception traditionnelle de l'organisation spatiale, de l'organisation topographique, notamment de celle des villes, bien entendu. N'oubliez pas qu'à l'époque, la Chine est rurale. Une grande partie de la population pense que la présence des Européens trouble le repos des ancêtres. Bref, la Chine se sent bousculée dans son rythme et dans ses habitudes. Les Européens ne sont pas les bienvenus, et d'autant moins, en tout cas, de la part d'une très grande partie de la population, et d'autant moins que, c'est Susanna Ho qui le précise, pour les Occidentaux, dit-elle, les Chinois étaient considérés comme des domestiques, comme des gens dont il fallait s'accommoder, probablement comme des gens un peu malhonnêtes. Or, les Chinois le leur rendaient bien. Ils n'avaient pas meilleure opinion des Européens. Et on parle, et on verra d'ailleurs pas mal de populations se lever au cri de « diable d'étrangers ». C'est cet état d'esprit-là, ce sont ces braises-là sur lesquelles vont souffler les fameux boxers. Alors, qui sont-ils, ces boxers? Le véritable nom de leur organisation, c'est les points de justice et de concorde. Les boxers, c'est une expression dérivée parce que, vous savez, ils avaient toute une sorte de mouvement de gymnastique sacré, une forme de boxe, si vous voulez. Le but était de parvenir toujours à cette harmonie du corps et de l'esprit. Ces boxers, ce sont en grande partie des paysans pauvres, des chômeurs qui ont été privés de travail par l'arrivée de techniques modernes. C'était des gens sans aucune ressource qui vivaient dans le dénuement le plus total, nous dit Diana Preston, qui ajoute « Les boxers représentaient un mouvement très puissant et charismatique, originaire essentiellement du nord de la Chine. » Un boxer authentique se distinguait par sa tenue, précise David Pong, les cheveux emprisonnés dans une écharpe rouge, des rubans rouges autour des poignets et des chevilles et une ceinture écarlate nouée sur une tunique blanche très ample. On incite des garçons âgés de 10 ans et quelques années à réciter par cœur les yeux fermés des incantations et à s'incliner 3 fois de suite vers le sud. Ils se couchent alors par terre sur le dos et après un court moment se lèvent en sautant et en annonçant leurs noms et prénoms qui sont généralement ceux de héros d'anciennes dynasties. dynastie. Ils font des gestes de boxe, s'approchent et reculent en dansant des mains et des pieds. Quelques-uns tiennent des perches de bambou, des tiges de sorgho, des bâtons à deux poids. Leur violence est extrême, leur bravoure presque irrésistible. À Yingfu, il y a d'innombrables jeunes gens qui vont pratiquer ces exercices et quand on leur demande dans quel dessein ils le font, ils répondent tous que c'est pour se préparer à tuer et à chasser les étrangers. La bande originale du film de Nicolas Ray, Les 55 jours de Pékin. 55 jours de Pékin auxquels nous revenons avec vous, Franck Ferrand. Alors, on n'y est pas tout à fait, mais vous voyez bien que la colère gronde, bien entendu. Avec le temps, l'hostilité contre les étrangers prend de plus amples proportions. Ce qui est intéressant, c'est que les boxeurs vont, je les appelle comme ça, on verra tout à l'heure avec José Frey jusqu'à quel point tous font partie exactement de ce mouvement, c'est un petit peu plus complexe dans la réalité. Ils vont commencer par se soulever, par se révolter contre des Chinois convertis au christianisme justement. Voilà ce que dit Diana Preston. Dans les campagnes, le ressentiment contre les personnes converties au christianisme était très fort. Elles ne participent plus aux fêtes traditionnelles, elles ne pratiquent plus le culte des ancêtres, elles ne contribuent plus financièrement à la vie du village, elles forment une communauté réellement à part. Et puis, de fil en aiguille, en 1897, deux missionnaires allemands sont lynchés par la foule. L'Allemagne en tire parti pour envoyer un détachement de la marine à Tsingtao et pour s'emparer littéralement de cette région. On implante une colonie allemande modèle dans la ville. Évidemment, les autorités sont surprises. L'historien Lang Xingxiang dit « Le responsable des autorités locales a cru que les navires faisaient simplement escale dans le port, car les navires étrangers faisaient souvent escale dans la région. Ça n'avait rien d'exceptionnel. Il ignorait tout de l'intention des Allemands. » En parenthèse, Tsingtao, c'est un des endroits où l'on fabrique encore aujourd'hui une des bières chinoises les plus connues. Mais je ferme cette parenthèse. L'attaque allemande va ébranler les autorités locales puis nationales. Va ébranler, disons-le, la cité interdite et d'autant plus que ça tombe au pire moment. Après des décennies d'immobilisme, l'empereur Guangxu est en train de lancer les fameuses réformes dont je vous parlais. Il veut moderniser l'Empire chinois, il veut essayer de l'aligner d'une certaine manière, en tout cas sur un certain nombre de normes occidentales. Or, aux quatre coins du pays, on est en train de saboter ces réformes. Et tout ça n'est pas, mais alors, pas du tout du goût de l'impératrice douairière Cui, donc sa tante, hein, celle qui l'a fait monter sur le trône quand il était enfant, et dans l'ombre, c'est elle qui va gérer, contrôler et même sans doute attiser l'opposition. Elle regroupe les princes mandchous les plus réactionnaires, elle emprisonne, je vous l'ai dit, son neveu, en tout cas elle le met en état d'arrestation, et elle va faire exécuter un certain nombre de réformateurs. Le personnage central de toute l'affaire qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc bien cette impératrice douairière, avec, quand je dis cette impératrice, évidemment le petit cercle traditionnaliste qui l'entoure. Elle était une figure étonnante et énigmatique, nous dit Pong. Elle avait débuté dans la vie politique comme concubine de troisième rang dans le harem de l'empereur Yemfong, qui comprenait 28 jeunes femmes mandchoues. D'une beauté captivante, elle devint rapidement la favorite en titre. Elle eut un fils qui fut reconnu par l'empereur. Cette naissance lui permit d'atteindre le premier rang des concubines. Alors jusqu'à la majorité de son fils, elle assuma le rôle de régente. Et puis quand son fils est mort, en 1875, eh bien alors, Cui a réussi à faire proclamer son neveu, qui n'avait que 3 ans à l'époque, et ça lui a permis, elle, de continuer à régner dans la pratique. Elle était, vous l'avez compris, pour le moins méfiante. Elle était même carrément défiante envers les Occidentaux. Alors, en 98, la situation des Allemands qui avaient fait l'objet des premières attaques empire, une voie de chemin de fer qui avait été financée par des investisseurs allemands est sabotée. En rétorsion, La garnison allemande va s'en prendre à des civils, ce qui attise la haine, hein, toujours, notamment dans la basse population, si je puis dire, chez ces fameux boxers. Le mouvement prend de l'ampleur. Des femmes qu'on appelle lanternes rouges rejoignent le mouvement. Elles sont considérées un petit peu comme des êtres doués de pouvoirs particuliers. On les disait capables notamment de s'élever dans les airs et de mettre le feu aux maisons. Les boxers organisent des cérémonies. Alors, ils font beaucoup de cinéma, si je puis dire. Notamment, ils se tirent les uns sur les autres, mais en fait, c'est avec des armes chargées à blanc. Mais ça fait beaucoup d'effets, ça fait de la fumée, tout le monde s'effondre. Enfin, ça montre leur courage absolument extraordinaire et les populations s'enthousiasment pour ce courage-là, justement. Avec les inondations et la sécheresse de 1899, on peut dire que les choses vont encore s'envenimer. Les boxers rendent les Occidentaux, disons-le, responsables de ce qui se passe, comme si, en quelque sorte, toutes ces conversions au christianisme, tout ce dérangement de l'ordre tellement ancien des choses, étaient à l'origine de la sécheresse. Et le gouvernement, disons-le, n'agit pas, bien que les populations meurent de faim dans plusieurs grandes provinces. On est en Chine, hein, dès qu'il y a des catastrophes naturelles, ça prend des proportions phénoménales. Les villages sont abandonnés à eux-mêmes. Naturellement, tant qu'il n'y aura pas de pluie, la famine va persister. Et la rumeur court que les missionnaires seraient même à l'origine directe de cette sécheresse. On voit les boxers poser partout des tracts qui disent, je cite, « Les catholiques et les protestants ont avili nos dieux et nos sages, ils ont trompé nos empereurs et nos ministres, les chinois convertis ont conspiré avec les étrangers, ils ont détruit les images bouddhistes, ils se sont emparés des cimetières des ancêtres. » Ah, ça c'est peut-être même ce qu'on leur reprochera le plus, notamment au moment où on construit les voies ferrées, il y a des expropriations, on traverse des zones sacrées, des cimetières, etc. Tout cela, disent les boxers, pour résumer, a provoqué la colère des dieux. Or, pendant ce temps, à Pékin qui reste quand même le centre de l'univers pour les millions d'habitants de la Chine de l'époque, c'est une ville riche comparativement à l'extrême pauvreté qui règne dans les campagnes. À Pékin, où la vie de cour continue immuable, hein, comme à travers les siècles. Dites-vous qu'un repas à la cour de Chine en 1900, c'est encore 100 plats rituels. Vous voyez, tout ça est assez extravagant. À Pékin, les Occidentaux se sont installés peu à peu et ils vivent tout à fait tranquillement dans ce qu'on appelle le quartier des légations, qui se trouve pas loin de la cité, même tout près de la cité interdite. La plupart des habitants, évidemment, n'ont jamais entendu parler de toutes ces révoltes en province et de ces boxers. Les diplomates, nous dit Susanna Ho, menaient une vie privilégiée, comme les expatriés ont toujours fait à travers le monde. Ils consacraient leur journée à des causeries de salon, aux relations amoureuses, aux promenades à cheval ou encore aux excursions dans la campagne. C'était la belle vie. Ils avaient des armées de domestiques, ils avaient du champagne en abondance et du vin français. Des aliments en conserve, ils menaient une vie dorée. Une vie dorée jusqu'au moment où les boxers vont faire irruption dans ce quotidien tranquille. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez laisser vos messages sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez également interagir sur Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag SCDH, par mail également sur europe1.fr. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur les 55 jours de Pékin. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, aux 55 jours de Pékin. Alors vous avez compris que jusqu'ici, les boxers ne s'étaient jamais attaqués directement aux Occidentaux. La première vraie action, c'est pendant la nuit de la Saint-Sylvestre 1899, donc au tournant de l'année 1900, un missionnaire britannique qui s'appelle Sidney Brooks, qui est en déplacement dans la campagne, va être retrouvé au matin décapité, le corps abandonné dans un fossé, dans le quartier des légations. On peut dire que ça fait déjà l'effet d'une bombe. L'ambassadeur de Grande-Bretagne va réunir ses confrères, les autres diplomates occidentaux. L'ambassadeur d'Allemagne notamment est très remonté. Il se prononce pour une intervention remarquée. Dans le langage diplomatique, intervention remarquée, ça veut dire la guerre, hein, tout simplement. Ça va être le début d'une action collective. Pour tenter de calmer les Occidentaux, on va quand même retrouver les assassins de Sidney Cox, qui sont rapidement arrêtés et punis. J'étais en train de dire pendant l'interruption que j'ai eu l'occasion de voir des photos du supplice qu'on leur a réservé, qui était d'une violence absolument inouïe. Alors, pour éviter des actions contre l'Empire, le gouvernement avait toléré les boxers, si vous voulez. Il leur avait laissé leur temple. Et tout ça, ça a été vécu sur place, dans les campagnes. Ça a été vécu comme une preuve de soutien, d'une certaine manière. D'ailleurs, on criait dans les rassemblements « Vive la dynastie des Qing et mort aux étrangers !» Donc, on, on pensait que l'impératrice douairière était derrière eux, si vous voulez. Pas tout à fait le cas. Au début de l'année 1900, le mouvement va prendre donc de l'ampleur. Il s'étend aux villes, c'est là que ça devient extrêmement dangereux, où vivent notamment beaucoup de Chinois convertis et pas mal d'Occidentaux. Et dès le mois d'avril, les chrétiens de Pékin, cette fois, sont agressés. Voilà ce qu'écrit le correspondant du Times sur place. « Le problème est qu'il ne pleut, toujours pas. On dit que ce sont les étrangers qui perturbent le feng shui. Les boxers sont partout dans les rues. Ils se font de plus en plus menaçants. Mon boy chinois me raconte des histoires sur les 8 millions d'esprits qui vont descendre du ciel et exterminer tous les étrangers. » C'est une espèce de vague incroyable de xénophobie qui s'empare littéralement de cette Chine si paisible habituellement. On voit partout des affiches, etc. Les diplomates demandent du renfort, bien entendu. Ils sont convaincus que la seule façon de se faire entendre des Chinois, c'est de recourir aux bonnes vieilles méthodes éprouvées, c'est-à-dire de recourir à la force. Sans doute une très grave erreur, évidemment, puisqu'ils ne vont faire qu'attiser les choses. En réponse à la demande des ambassadeurs, une flotte internationale, très très importante flotte, se rassemble devant les côtes chinoises. 17 navires de guerre vont jeter l'ancre à 20 milles de la baie de Taku, près de Tuensien. Comme les boxers s'approchaient de Pékin, nous dit Pong, suivis de leur cortège de pillages et de massacres, les diplomates demandèrent l'envoi de détachements de marine. Et le 3 mars, une troupe de 426 marins de différentes nationalités arrive donc à Pékin. Et les navires continuent de s'amonceler. Je dis britanniques parce qu'il y a beaucoup de navires anglais, mais pas seulement. Allemands, américains, français, japonais. Avant le début du mois de juin, il n'y a pas de véritable inquiétude dans le corps diplomatique. Seulement le 7 juin 1900, les ministres les plus radicaux, c'est là qu'on voit cette espèce de collusion, c'est subtil cette histoire, sont bien des ministres qui vont donner l'ordre d'ouvrir les portes de Pékin. Et là, vous avez des milliers d'émeutiers, de boxers qui vont envahir la ville. Les Chinois convertis sont massacrés, en tout cas les premiers sur lesquels on tombe. Les Occidentaux sont en danger. On a ouvert les portes délibérément, dit Preston. La nouvelle parvient rapidement aux diplomates étrangers. Certains assistent même aux événements et comprennent que la tension est montée d'un cran, entre nous soit dit, c'est le moins qu'on puisse dire. On est passé à la phase supérieure. La situation s'est aggravée. Plusieurs diplomates vont faire état de cas de viol, d'assassinat parmi la communauté. Et deux jours plus tard, l'hippodrome, où ont l'habitude de se réunir les Occidentaux pour des après-midi toujours assez agréables, cet hippodrome est incendié. C'était le centre de la vie sociale, si vous voulez. C'est un message fort. C'est, on vient en quelque sorte d'incendier le club. Les gares sont bloquées par des boxers entre Pékin et la côte. Ça, c'est très important parce que 2000 soldats qui avaient été débarqués de la fameuse flotte, la flotte envoyée sur place, avaient pris place à bord de trains qui devaient les mener par la côte jusqu'à Pékin. Le chemin de fer était un des éléments clés de la stratégie de l'amiral Seymour, dira Lang Xingxiang. C'était le moyen le plus rapide pour transporter les troupes. Bah oui, les troupes, elles restent stoppées à 40 km de Pékin, puisque les boxers ont détruit les rails, le pont ferroviaire, etc. À Pékin, on attend l'arrivée des troupes, on croit leur arrivée prochaine. Seulement, elle n'arrive pas sans les boxers qui sont là, qui attaquent les chrétiens, qui se mettent à piller les magasins, qui vendent des produits d'importation. Les Occidentaux se réfugient dans leurs ambassades, se claquemurent. On va assister à des massacres. Cette fois, ça y est, on est vraiment dans la crise qu'on n'a même pas su voir venir. Bonjour José Fraîche. Bonjour. Avec vous, dans un instant, nous allons revivre cet extraordinaire épisode des 55 jours de Pékin, ce véritable siège de Pékin. Après quoi, nous élargirons un peu le sujet, nous essaierons de comprendre quelles sont, en quelque sorte, les ambiguïtés des relations entre la Chine et l'Occident. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des 55 jours de Pékin, avec votre invité José Fraîche, grand connaisseur de la Chine, ancien conservateur au musée Guimet, auteur du Dictionnaire amoureux de la Chine aux éditions Plon. Un livre qui est à lui seul tout un univers. Voilà ce qu'écrit donc à l'époque, évidemment on a les relations des journalistes sur place, qu'écrit le correspondant du Times. Toute la nuit, on entend des cris épouvantables dans la partie ouest de la ville, des cris de mort, un abominable massacre. Je n'ai jamais vu de telles horreurs. les boxers allaient de maison en maison pour tuer les chrétiens chinois. Il y avait du sang partout, partout. Pour qu'on lise ce genre de récit dans le Times, c'est que vraiment le correspondant est très ému de ce qu'il a vu. Or, José Frech, ce qu'il faut peut-être qu'on dise, c'est qu'au-delà de l'émeute, etc., il y a bien une situation qui est contrôlée politiquement et que l'impératrice dans cette affaire et son gouvernement jouent un rôle actif. Ils ont surtout joué avec le feu, hein, puisque, vous l'avez dit, on a ouvert les portes de Pékin sciemment, et Pékin, à l'époque, est une ville fortifiée. C'est-à-dire, on ne rentre à Pékin que lorsque les portes sont ouvertes, puisqu'il y a des murailles qui ceinturent cette ville. Alors, ce qu'il faut dire aussi, le rappeler, vous l'avez fait d'ailleurs, c'est que tout ça est le résultat d'une lente fermentation. Hein. Pourquoi ? Parce que, au fond, les Chinois, surtout les élites chinoises, donc en gros les Confucéens, les lettrés, les mandarins, par rapport à une dynastie qui n'est pas une dynastie chinoise, qui sont les Qing, qui sont des Mandchous, et donc qui sont considérés par les Han, par les mandarins, les lettrés, les Confucéens, comme une dynastie d'origine étrangère. C'est ça, oui, bon. Ce sont presque des pièces rapportées. Des pièces rapportées, et donc qui ont toujours, pour se faire pardonner ce péché originel, ont toujours eu l'habitude et la propension à être plus royaliste que le roi, à laver plus blanc que blanc, etc. Bon. Et donc, Cixi, elle, se met effectivement à... Vous prononcez ça comment, vous ? Cixi. Voilà, Cixi. J'essaierai de faire comme vous à l'avenir. L'impératrice douairière, qui, elle, évidemment, est manchou, veut montrer aux élites, hein, aux grands mandarins, à l'administration, à ce qui constitue le socle de la Chine, hein, à la grande bureaucratie, qu'au fond, elle défend les intérêts de l'Empire chinois. Et pour ça, effectivement, elle doit se faire pardonner énormément de choses. Et en particulier, les Mandchous, les Qing, doivent se faire pardonner le fait qu'ils ont, à partir du milieu du 19e siècle, et avec les guerres de l'opium, puisqu'il y a eu plusieurs guerres de l'opium, ils ont finalement laissé la Chine se faire complètement envahir par, en particulier, les Anglais, qui voulaient forcer les Chinois. Ils ont été trop laxistes et maintenant ils se montrent trop, voilà, trop brutaux, en fait. On passe d'un extrême à l'autre. Et donc, il y a une volonté de revanche, puisque, au fond, ce grand pays est complètement effondré, a été pillé, n'a pas été capable de se défendre. S'est laissé piéger par les grandes puissances occidentales. Et donc, il faut montrer à la population et aux élites que tout ça est repris en main. Et donc, ils vont se servir des boxeurs qui sont, au fond, des réprouvés, des esclaves, hein, des esclaves qui sont manipulés, qui pratiquent les arts martiaux, hein, puisque c'est pour ça qu'on les appelle les boxeurs, vous l'avez dit, qui, eux, suivent des leaders qui sont des mages plus ou moins illuminés, souvent d'ailleurs des taoïstes, hein, parce que ces mouvements de révolte des esclaves, et en particulier des paysans pauvres en Chine, sont toujours recrutés dans les milieux taoïstes, hein, parce que le taoïsme, c'est justement l'idéologie qui s'oppose au confucianisme officiel. Hein. Donc c'est une religion plus ancienne, plus traditionnelle, d'origine chamanique, qui, elle, n'est pas liée aux institutions et qui, par conséquent, est un réservoir où, justement, les révoltes vont se faire jour depuis des millénaires. Alors, vous avez tout à fait raison, hein, de revenir sur tout ce contexte pour nous faire comprendre la substance même de ce qui s'est passé. Moi, j'en reviens néanmoins à la politique. Le gouvernement va proposer aux diplomates occidentaux de s'en aller, avec la protection de la garde impériale, mais enfin, partir. Quitter les lieux. Ce qui voudrait dire pour les intérêts économiques et commerciaux de toutes ces puissances occidentales, un recul probable terrible. Et donc, les diplomates ne savent pas trop quoi faire, et il y en a un qui est le diplomate allemand, il s'appelle le baron von Kettler. Il se dit, moi je vais aller parler à l'impératrice, elle va me recevoir et on va s'expliquer. Sauf qu'en chemin, il est assassiné, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances d'ailleurs. Vous savez, c'est une ville qui est à feu et à sang, donc qui est livrée aux exactions. Il n'y a évidemment aucune possibilité pour quiconque de protéger sa vie, et c'est là où on voit néanmoins que nous sommes face à des Occidentaux qui sont tout à fait en dehors de la réalité. Hein. C'est-à-dire, il continue, même cet ambassadeur continue à planer. Hein. Il s'imagine que, grâce à son statut diplomatique, parce qu'il est bien habillé, qu'il porte le bicorne des ambassadeurs ou des chefs de légation, on va s'incliner, la populace va s'écarter, les mendiants ne vont pas lui tendre la main. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Il est pris à partie par la foule et effectivement, il est lynché sur le chemin du palais impérial. Et on a constamment un cran de franchi. C'est très chinois d'ailleurs, il y a un côté très progressif dans tout ça. On décide de boucler le quartier des légations qui est donc le quartier résidentiel diplomatique agréable de Pékin. Et ça va devenir une sorte de véritable siège. Quand on parle des 55 jours de Pékin, c'est ça dont on parle. Alors on a vu le film est très, il est très beau d'ailleurs, hein, il ne manque pas de souffle et de lyrisme, mais il est très partiel et partial, c'est un point de vue très occidental des choses. Vous savez, de même que ce qui se raconte sur le mouvement des boxeurs est quand même le point de vue occidental. Hein. Bon, on est quand même à l'époque des épopées coloniales et donc on raconte toujours les choses du point de vue occidental de telle façon que ça arrange évidemment ceux qui étaient là, qui avaient quand même imposé à la Chine un certain nombre de traités qui étaient très humiliants, qui n'avaient absolument pas tenu compte qu'il y avait dans les élites chinoises des personnes plus éclairées, plus ouvertes qu'il aurait fallu soutenir et qui au fond considéraient, y compris d'ailleurs l'impératrice Cixi, comme des gens qui n'avaient pas beaucoup ni de jugeote ni de savoir-faire, d'autant que les prédécesseurs de Cixi, pendant les guerres de l'opium, avaient été, on peut le dire, lamentables. Hein. Ils n'étaient même pas capables d'avoir de bons interprètes qui leur traduisent les demandes occidentales, en particulier les demandes militaires, et donc ils se faisaient battre à plate couture parce qu'ils refusaient simplement de comprendre qu'on allait les attaquer à tel endroit. Hein, voyez. Ce qui est très étonnant, on va y venir tout à l'heure, ce sera l'objet de toute la fin de notre conversation, j'espère qu'on va pouvoir entrer un peu dans ce genre de considération, mais ce qui est quand même fascinant, c'est de voir à quel point la Chine a eu du mal à s'ouvrir à autre chose que ce qui était son grand et magnifique système, d'ailleurs millénaire. On y viendra tout à l'heure. Pour continuer dans l'événement, quelle est la vie de ceux qui se retrouvent encerclés, en quelque sorte, qui se retrouvent coincés dans ce quartier des légations ? Ils sont dans la citadelle assiégée. Hein. Donc, très rapidement, il y a des problèmes d'approvisionnement qui se posent. Ce sont des gens qui sont évidemment pas habitués du tout à soutenir un siège. Et donc, très vite, ça devient catastrophique. Ça devient avec des maladies, voilà. Avec un problème tout simple d'alimentation, hein, d'eau potable. Oui. Pas oublier qu'on est à Pékin, l'eau potable n'est pas si facile à trouver, évidemment. Et surtout, on va passer d'une situation insurrectionnelle avec ces espèces de soulèvements plus ou moins spontanés, puisque on semble pouvoir dire qu'ils ne sont pas si spontanés que ça. Hein. Tout ça a été attisé, manipulé d'une certaine manière. On va passer à une véritable guerre. C'est-à-dire que là, il y a un conflit qui s'ouvre. Et un conflit dans lequel l'impératrice prend parti. C'est-à-dire que la couronne, on ne peut pas parler de couronne en Chine, mais l'empire se prononce en faveur de la tradition, justement. Et oui, parce qu'elle est coincée, elle est le dos au mur. Vous l'avez dit, le peuple a faim, il y a une sécheresse. La sécheresse, ça veut dire des récoltes beaucoup plus minces que d'habitude. Les gens ne mangent pas à leur faim. Et en Chine, il y a ce qu'on appelle le mandat du ciel. Hein, c'est-à-dire que l'empereur a le mandat du ciel de donner à manger à son peuple et de faire en sorte que le peuple ait de quoi manger. Et donc à partir du moment où il y a une sécheresse, où il y a un tremblement de terre, où il y a un fleuve qui déborde, où il y a des centaines de milliers de victimes, certes c'est parce que, d'après les dirigeants boxeurs, les chrétiens ont converti beaucoup trop de Chinois et que donc ça déplaît aux dieux chinois, mais c'est surtout parce que il n'est plus sûr que le fils du ciel, que l'empereur et en particulier l'impératrice, ait toujours la confiance et du ciel et elle est ce mandat. Et donc elle est obligée effectivement de revenir. C'est une sorte de surenchère permanente. C'est en fait, une surenchère permanente et elle est obligée de revenir, comme on dit, à ses fondamentaux. Exactement. Hein, parce que sinon elle risque d'être complètement balayée par les événements. Alors le corps expéditionnaire occidental progresse néanmoins. Ce qui est très étonnant, c'est qu'avec somme toute peu d'hommes, 14 000. On arrive à tenir en respect le gigantesque empire chinois. C'est assez inexplicable, c'est tout, ça. C'est tout le sujet. C'est que nous, occidentaux, à l'époque, nous avons des canons, faits d'ailleurs grâce à la poudre inventée par les Chinois. Les Chinois, eux, ils ont, les soldats chinois, ils ont ce sont des soldats d'opérette, hein. Ils ont des arcs, des flèches, des sabres. Quelques fusils très longs qui tirent et qu'il faut, pour lesquels il faut passer beaucoup de temps à les charger, alors que nous avons véritablement des armées aguerries, des armées de conquête, hein, des armées qui ont déjà fait leurs preuves à la guerre de l'opium, et 14 000 hommes suréquipés et surentraînés par rapport à 100 000 soldats d'opérette, effectivement, ça fait, la différence est là. Alors, comme 50 ans plus tôt, la cour va s'enfuir, va abandonner la cité interdite, qui est prise. Les troupes internationales s'emparent de la cité interdite, c'est le symbole. Hein, c'est le début d'ailleurs d'un véritable saccage. Hein, on va mettre Pékin à sac. On peut faire confiance à un certain nombre des troupes de fusiliers marins qui sont là pour ne pas faire de quartier. On est le 15 août 1900. Et pour la Chine, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est une des grandes humiliations de son histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. De Pékin sont à l'honneur cet après-midi dans Au cœur de l'histoire. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité José Frech, grand connaisseur de la Chine, ancien conservateur au musée Guimet, auteur du Dictionnaire amoureux de la Chine aux éditions Plon. Alors José Frech, j'aimerais qu'on tire le bilan de cette révolte des boxeurs. D'abord un bilan humain, il y a eu finalement pas tant de victimes que ça, en tout cas je veux dire chez les Occidentaux. Parce qu'il y a eu beaucoup de convertis qui ont été tués en revanche. Oui, alors à l'époque c'est très difficile hein, de dire exactement combien il y a eu de victimes. Il y en a eu quand même, je pense, en tout, sur toute la révolte des boxeurs, plusieurs milliers. Hein. Mm-hmm. Et sûrement énormément ensuite de boxeurs hein, et de Chinois, eux alors... Pour ce qui est des Occidentaux déplorés par les représentations diplomatiques à l'issue des 55 jours de Pékin, pour être vraiment très précis, il y a eu 66 disparus. Mais effectivement, la révolte elle-même a créé énormément de morts. Les victimes, ceux qu'on a ciblés en priorité, sont les missionnaires, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y avait une vraie haine qui va d'ailleurs perdurer pendant des décennies contre ces missionnaires chrétiens de Chine. Oui, parce que le missionnaire est un peu le symbole de l'occupation occidentale, en sachant que là aussi, les choses ont dérivé, parce que les premiers missionnaires qui sont arrivés en Chine, qui étaient des jésuites, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, en particulier le père Ricci, étaient véritablement des gens qui étaient curieux de la Chine, hein, qui n'avaient pas comme ça la volonté de convertir à tout prix, de faire du chiffre, hein, pour employer une expression un peu triviale, en convertissant le plus grand nombre de Chinois possible. Et donc, les premières missions en Chine ont été vraiment des missions, je pense, intéressantes à la fois, bien sûr pour l'Occident, puisqu'elles ont permis à l'Occident, en fait, de comprendre ce qu'était la Chine, puisque les missionnaires sont devenus les premiers sinologues et donc ont appris le chinois et ont raconté aux Occidentaux, et en particulier à Voltaire, Leibniz et autres, de quoi ils retournaient. Quand même, il y avait des centaines de millions de personnes qui parlaient une langue différente avec les idéogrammes, qui avaient une civilisation extrêmement ancienne. Et donc, c'était évidemment pour ça très intéressant d'avoir ces missions. Et puis ensuite, la dérive, elle est venue toujours au XIXe siècle, avec ces fameuses guerres de l'opium, où là, véritablement, on a commencé à voir une certaine collusion entre les missions étrangères, ou du moins certaines d'entre elles, et des intérêts carrément beaucoup plus économiques et de type colonialiste. Et évidemment, la population, elle a fait un amalgame de tout ça. Elle a fait un amalgame. Les Chinois, les Han, sont nationalistes, je dirais, depuis toujours. Il y a une grande fierté d'être Han, encore aujourd'hui, hein, qui est tout à fait... qu'on voit, hein, lorsqu'on voyage en Chine, qu'on discute avec les gens... Évidemment, là, ça s'était exacerbé. Et effectivement, donc, ces missionnaires sont devenus très rapidement la cible de certaines révoltes et de mouvements de population qui étaient carrément haineux dans certains cas. Parmi les demandes d'émission que nous font parvenir nos auditeurs, j'ai vu passer celle de Sophie qui voudrait qu'on parle du père Ricci. Justement, on aurait peut-être l'occasion de faire une émission. C'est un sujet très passionnant à part entière. Un homme extraordinaire, oui. Alors, le bilan politique, et j'allais dire quasiment symbolique, quel est-il ? Alors, le bilan symbolique, c'est que la Chine commence à se rendre compte qu'elle ne peut plus être indifférente à ce qui se passe autour d'elle. Chine, ça se dit en chinois Chunkuo, le centre du monde, le centre de gravité du monde. Les Chinois se sont toujours considérés comme étant au centre du monde et par conséquent considéraient que ce qui se passait à l'extérieur n'était pas pour eux ni intéressant ni pertinent. Bon. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se sont construits à l'intérieur de la Grande Muraille. Hein. Bon. Ils ont compris avec les guerres de l'opium qu'il se passait beaucoup de choses à l'extérieur et pas forcément des choses sympathiques à leur égard. Et ça va culminer, cette prise de conscience va culminer justement avec les boxeurs, la révolte des boxeurs et les 55 jours de Pékin. Les Chinois et en particulier les élites vont commencer à comprendre qu'il faut abandonner ce, on peut dire, cette espèce de complexe de supériorité, puisqu'il faut bien le dire, c'était ça, nous sommes supérieurs aux autres, nous sommes le centre du monde, et donc ce qui se passe autour, au fond, peu importe, ça n'est pas intéressant. Et donc, prise de conscience de l'existence d'une périphérie, qui va donner lieu d'ailleurs très rapidement à la chute de l'Empire, hein, et à la création de la Première République chinoise, avec ces grands intellectuels chinois qui, eux, commencent à être ouverts à l'Occident, et ensuite les communistes, hein. Et aujourd'hui, évidemment, l'ouverture de la Chine, alors sur un plan économique, et le fait que la Chine a compris que non seulement il fallait qu'elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle, mais que c'était absolument vital pour elle. Et donc aujourd'hui, la Chine est un pays qui, de ce point de vue-là, s'est ouvert. On peut dire que pour l'Empire, ça a été le glas, cette affaire de la révolte des boxers. C'est-à-dire que l'impératrice a pris en quelque sorte a fait le mauvais choix, elle s'est mise du mauvais côté. Et l'humiliation qui a été infligée à l'ensemble de la Chine l'a été d'abord à l'Empire. Hein. Donc c'est le coup de grâce. Le coup de grâce à la dynastie. Le coup de grâce à la dynastie des Qing, parce que la prise de Pékin, vous l'avez dit, la prise du symbole de Pékin par les armées occidentales est quelque chose qui effectivement est insupportable pour les Han, qui sont les Chinois de souche, hein, c'est-à-dire 95% de la population chinoise. Alors on va voir naître à partir de là le Kuomintang, le mouvement de Sun Yat-sen, etc., jusqu'à l'arrivée des communistes beaucoup plus tard, en 1949. Mais la création du Parti communiste en 1920 à Shanghai. Assez tôt, finalement. Assez tôt. Oui. Je disais ça ce matin, dès 6h25, chez Thomas Soto, figurez-vous, puisque c'était le jour anniversaire, justement, de la République populaire de Chine. Alors, comment, dans cette affaire, les Occidentaux vont-ils essayer de récupérer la situation ? Ils ont gagné militairement, ils ont gagné diplomatiquement, ils ont peut-être gagné un peu commercialement, mais est-ce qu'ils n'ont pas perdu, on pourrait dire, politiquement à terme ? C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, la Chine va continuer à être contrôlée sur le plan économique, hein, puisque les concessions étrangères, les ports francs, la possibilité de vendre des produits hors taxes de douane va continuer. Et puis ensuite, peu à peu, l'Occident va rentrer en guerre, hein, puisque à ce moment-là, on est quand même assez près de la Grande Guerre, de la guerre de 14, et donc il va y avoir une focalisation. D'abord, les puissances occidentales qui étaient unies à l'époque. Bon, vont divorcer. Donc, le centre de gravité des conflits va se déplacer. On va un peu délaisser ce qui se passe en Chine. C'est moins important. Il y a des puissances comme le Japon qui vont en profiter, de ce désintérêt relatif de l'Occident pour la Chine et qui vont d'ailleurs prendre de plus en plus pied en Chine, en Mandchourie, etc. Et au fond, après, on va laisser la Chine, si j'ose dire, dans son coin, c'est-à-dire dans ses crises épouvantables, avec cette république chinoise terrible, qui va très vite tomber en déliquescence, la lutte au couteau entre les communistes et les nationalistes, et puis voilà. Merci beaucoup, José Fraîche, de nous avoir fait profiter de vos lumières sur la Chine. Je ne voudrais pas que nos auditeurs s'imaginent que votre ouvrage n'est qu'un ouvrage d'histoire pure d'analyse politique et autres. C'est au contraire une approche très sensible de la Chine. Je lis juste un extrait qui m'avait frappé à propos du bruit, par exemple, hein, qui règne partout en Chine. Ce brouhaha incessant, dites-vous, est le fait de ces centaines de millions d'individus qui rient, pleurent, boivent, mangent, crachent, ronflent, travaillent, jouent, circulent, vactent à leurs occupations diverses, c'est-à-dire tout simplement vivent dans un tintamarre perpétuel qui fait que la plupart d'entre eux sont capables de dormir à toute heure et dans n'importe quel endroit. C'est cela aussi que vous nous racontez, c'est la Chine vue de l'intérieur, vécue de l'intérieur. C'est votre dictionnaire amoureux de la Chine et c'est chez Plon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Viviane, nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Il se demande depuis quand le mariage d'amour est apparu en France. Alors, je suis désolé, cher Viviane, mais voilà exactement le genre de question très passionnante qui ferait l'objet d'un beau colloque, mais à laquelle on ne peut bien sûr pas répondre comme ça en quelques minutes, puisque des mariages d'amour, il y en a toujours eu, bien entendu. Simplement, le mariage comme institution n'était pas conçu pendant très longtemps comme le couronnement de l'amour, forcément, ça devait être plutôt le démarrage, le départ. Voilà notamment, dans une très jolie nouvelle qui s'appelle Jadis, ce que disait Maupassant. Maupassant n'était pas connu pour être un grand progressiste, évidemment, mais il fait parler une vieille dame. Écoute, fillette, une vieille qui a vécu 3 générations et qui en sait long, bien long sur les hommes et sur les femmes, le mariage et l'amour n'ont rien à voir ensemble. On se marie pour fonder une famille et on forme une famille pour constituer la société. La société ne peut pas se passer du mariage. Si la société est une chaîne, chaque famille est un anneau. Voilà la conception qu'on avait globalement du mariage, et ça jusqu'à une période assez récente, je dirais moi jusqu'à la guerre de 14 tout simplement. Alors, ça n'a pas empêché que très tôt, bien entendu, et les poètes de tous les siècles sont là pour nous le rappeler, il y a eu des histoires d'amour et de beaux mariages d'amour.